Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et son esprit planait sur les eaux. Au commencement, Dieu créa la lumière, et il vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. En six nuits et six jours, Dieu a fait l'univers, sorti de leur néant le vent et la lumière, construit avec amour les montagnes et la mer, modelant pour toujours le bois, l'eau et la pierre. Des forêts magnifiques, sous le grand bleu du ciel, montait une musique légère. Chants d'oiseaux, murmures des ruisseaux, sublime symphonie aux couleurs de la vie. C'était le paradis sur terre, dont tous les animaux étaient propriétaires. C'était un paradis qui avait tout pour plaire, comme Dieu à son idée avait voulu le faire. Il mit deux habitants dans ce jardin de rêve. Lui s'appelait Adam et elle s'appelait Ève. Ils étaient jeunes et beaux et s'aimaient tendrement, et leur vie comme l'eau s'écoulait librement. Quel bonheur, quelle joie d'avoir le monde à soi, de se donner à l'eau. Sauf de manger un fruit, le fruit de l'interdit. C'était le paradis sur terre, dont nos deux amoureux étaient propriétaires. C'était un paradis qui avait tout pour plaire, que Dieu dans sa bonté avait voulu leur faire. Surtout n'écoutez pas, manger sans avoir peur. Tous les fruits ici-bas sont gorgés de bonheur. Ainsi parle Satan, le serpent tentateur, qui conduit les vivants à choisir le malheur. La femme a pris le fruit, le croque à belle dent, le donne à son mari. Parce qu'il veut tout avoir sur terre et dans les cieux, tout savoir, tout pouvoir, l'homme en oublie son Dieu. Fini le paradis sur terre, depuis tous leurs enfants n'en sont que locataires. C'était un paradis qui avait tout pour plaire, qu'il y a très longtemps Dieu nous avait offert. Le paradis sur terre, depuis tous leurs enfants n'en sont que locataires. C'était un paradis qui avait tout pour plaire, qu'il y a très longtemps Dieu nous avait offert. Fini le paradis.